Alors, en premier lieu, je vais me présenter. Je suis de formation géomètre topographe et je suis responsable du département de topographie et de cartographie du Centre d'études Alexandrine à Alexandrie. Je travaille plus particulièrement sur la cartographie d'Alexandrie et dans le cadre d'un programme, le programme Géomarc que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai été amenée à travailler avec Ismaël, Clément et puis d'autres partenaires du Centre d'études Alexandrine notamment, sur la cartographie du Mariout. Donc le programme Géomar est un programme ANR engagé depuis 2013 qui va entrer dans sa dernière année. Il comporte trois partenaires, Ecolab, laboratoire à Toulouse, Chrono Environnement, laboratoire à Besançon et le Centre d'études Alexandrine, CE Alex à Alexandrie. Ce programme vise l'établissement d'une carte archéologique et paléo-environnementale de la Mariotide, la région au sud-ouest d'Alexandrie, au sud du lac Mariout, qu'Ismaël vous a présenté ce matin. La Mariotide constitue une interface hydrologique caractérisée par la transition entre un environnement deltaïque et un contexte désertique. Au moins depuis la fondation d'Alexandrie, ces deux espaces ont été aménagés à des fins agricoles. La Mariotide des Puits, partie occidentale de la région d'étude, est la frange semi-désertique où la ressource en eau est essentiellement d'origine aquifère, bien que les apports des précipitations ne soient pas nuls. Le Centre d'études Alexandrine travaille depuis longtemps dans cette région. La documentation disponible est déjà très importante. Il a mené plusieurs fouilles archéologiques sur les sites notamment de Maréa et d'Academia. La Mariotide des Canaux, partie orientale de la région d'étude, est située à la marge occidentale de la ceinture lagunaire du delta du Nil. La lagune est alimentée par les eaux de la branche canopique ainsi que par les eaux de la mer dans des proportions qui ont varié au cours de l'Holocène. Nous nous intéressons principalement à cette partie sud-ouest, zone de la transition entre la Mariotide des Canaux et celle des Puits. Cette limite entre les deux Mariotides a pu varier au cours du temps. Ce programme peut se résumer en étude des interactions société-environnement dans le contexte de changements paléoclimatiques et d'anomalies hydrologiques. Cette étude se veut diachronique, avec une approche inter- et pluridisciplinaire qui associe paléo-environnementalistes et archéologues, topographes, cartographes et historiens. Le système d'information géographique SIG, à terme, sera un outil pour la gestion du patrimoine et il permettra une analyse spatiale et temporelle de toutes les données socio-environnementales. Le SIG repose sur deux socles de données, la cartographie dans le logiciel ArcGIS et les données archéologiques issues de la bibliographie et de la prospection. Elles sont collectées dans une base de données relationnelle afin de mettre en place une base saine pour développer le SIG. Le travail de collecte sous la forme de prospection de terrain et d'exploitation d'archives et de l'interprétation des données est bien avancé, ainsi que l'analyse cartographique. La réunion de ces deux sources est la prochaine étape en début 2016. La Mariotide est depuis une vingtaine d'années en pleine mutation, comme Ismaël l'a présenté ce matin. La région subit une urbanisation galopante, les zones industrielles et pavillonnaires s'étendent toujours plus à l'ouest, sur les rives du lac. L'expansion d'Alexandrie, mais aussi les remembrements agricoles, ont provoqué la quasi-disparition du lac au sud d'Alexandrie. On estime que l'étendue du lac ne représente plus que 18% de la surface de 1801. Donc, ce chiffre est issu des études menées par Ismaël. Cette région subit aussi les conséquences d'une agriculture intensive, irrigation excessive, qui entraîne la montée et la pollution des nappes et du lac. Et il y a aussi des installations d'infrastructures, telles que des lignes à haute tension, des pipelines et des canaux. Cette destruction connaît une accélération depuis une dizaine d'années. Ici, un exemple de grande dimension d'action sur le paysage, de sa défiguration. Au début des années 1970, la ride 3 a été percée pour le passage d'un canal sur près de 600 mètres de long. Sur cette image de Google Earth, ont été localisés deux exemples de sites archéologiques illustrant la destruction rapide que connaît la région. En premier lieu, le site de Margam. Il s'agissait d'un atelier de fabrication d'amphores composé d'un grand dépotoir d'amphores, d'un pressoir et de fours à amphores. Repéré en 1980, sa superficie est alors estimée à 1 hectare et à une dizaine de mètres de haut. À cette époque, il avait déjà été attaqué par les bulldozers. Des fouilles du service des antiquités égyptiennes ont eu lieu en 1988 sur une partie de ce site. En 1998, il ne restait plus qu'un dixième du site. Et lors de notre visite en 2013, le site avait complètement disparu. Un autre exemple, le site du Côme de la Carrière, situé à 11 km à l'ouest de Margam et à 7 km à l'est de Maréa, associe une carrière, un dépotoir d'amphore et une villa romaine. Le dépotoir amphorique, identifié en 1980, avait totalement disparu au début des années 2000. Lors des visites successives du site depuis les années 1980, les membres de l'équipe Géomar ont pu constater la dégradation du site, d'où l'urgence de documenter ce site. Cette dégradation est liée à plusieurs interventions anthropiques. Dans les années 1980, l'installation de trois lignes à haute tension avec des pylônes implantés sur le site même, comme vous pouvez le voir ici. L'installation d'un pipeline de gaz qui a transpercé l'ensemble du promontoire rocheux, c'est la tranchée que vous voyez ici. Le déplaiement de certaines parties du promontoire pour l'installation de zones de culture, et ce, même en haut du Côme. Le remblaiement de la carrière antique, comme vous pouvez le constater déjà entre les deux images de 1980 et de 2013. Ce site a fait l'objet, dans le cadre de l'ANR Géomar, d'une campagne de documentation en mai et juin 2015. Il a semblé en effet important, avant la destruction définitive de ce site, de procéder à une opération visant à préciser la chronologie et les phases d'occupation de ce site, à partir des vestiges visibles en surface et dans les coupes créées par les bulldozers. Cela a consisté au lever topographique du site, dont vous voyez un extrait, à des prospections céramologiques, au relevé archéologique, manuel ou par photogrammétrie, et à des carottages. L'étude préliminaire atteste d'une occupation du secteur de l'époque hellénistique, selon toute probabilité au IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle perdure jusqu'à la période romaine tardive. Sur ce relevé topographique sont localisées les actions destructives du site qui viennent d'être mentionnées. Voici quelques photographies du site, le promontoire rocheux, où désormais ont été installés les pylônes et dont la surface est cultivée, et les coupes stratigraphiques dégagées lors de la tranchée ou de la mise en culture. Dans un cas comme celui-ci, d'urgence, de sauvetage, la photogrammétrie, alliée aux techniques de relevé traditionnelles, a permis de réaliser les relevés stratigraphiques sur plus de 160 mètres linéaires en un délai relativement court et de restituer l'état actuel en trois dimensions. Revenons à l'établissement du SIG. Pour commencer, nous allons aborder l'aspect cartographique. Nous allons parcourir le repositionnement du site que l'on vient de voir, le site du Côme de la Carrière, sur la sélection de cartes retenues pour à la fois montrer les types de représentations graphiques, présenter les cartes utilisées, illustrer l'évolution de la représentation cartographique et l'évolution du terrain. Pour ce qui est de la cartographie, une sélection de cartes a été géoréférencée dans ArcGIS par Ismaël, cartes sélectionnées pour leur pertinence. La cartographie regroupe trois catégories de documents: les cartes anciennes, les cartes récentes et les images satellitaires. Sur la carte levée par les savants de l'expédition d'Égypte entre 1798 et 1801, le site se situe à l'est du symbole de ruine, symbolisé par une forme quasi-circulaire de dimension d'environ 250 mètres. La carte suivante, la carte de Mahmoud Bey el-Falaki de 1866, ne révèle aucune indication pour le site du Côme de la Carrière. Sur les cartes de l'Atlas Lower Egypt, réalisé par le Survey of Egypt en 1914, à l'échelle 1/50 millième, le site se situe exactement dans un grand côme de dimension de 400 mètres sur 200 mètres, de direction nord-sud. Sur la série de cartes du Survey of Egypt des années 1940, à l'échelle 1/25 millième, le site se situe au milieu d'un côme de plus petite dimension, 150 mètres sur 80 mètres, de direction est-ouest. À l'intérieur de ce côme sont également représentées une courbe de niveau de 10 mètres et un point de niveau de 13 mètres. Sur l'image satellitaire Corona de 1968, il est difficile d'identifier formellement les limites du côme, mais la carrière et quelques pentes le long du lac, représentées par des zones sombres, restent visibles. Une autre série, éditée par le Survey of Egypt dans les années 1990, à l'échelle 1/50 millième, nous intéresse par sa date récente d'édition. Malheureusement, la précision et les éléments reportés sont moindres par rapport à la série à la même échelle de l'Atlas of Lower Egypt de 1914. Le site n'est pas signalé ici, mais les pylônes et les câbles électriques haute tension apparaissent. Les images satellitaires sont essentielles à ce projet, tant en phase d'étude, en amont des prospections terrestres, que lors de celles-ci, et qu'en traitement des données de terrain. Sur le terrain, une tablette nomade enregistre des points GPS et les parcours de déplacement. Et elle permet de guider sur un fond d'image satellitaire la recherche de points ciblés sélectionnés au préalable. Il s'agit donc d'un outil précieux dans cette zone en pleine mutation et dont la cartographie n'est pas actualisée. Au bureau, une première utilisation d'images satellitaires a été menée à partir du logiciel Google Earth afin de reporter les points GPS de terrain et pour étudier les sites. Cette image ici satellite issue de Google Earth permet de visualiser le site du Côme de la Carrière dans l'état actuel en 2015. Et de constater de l'aménagement de l'environnement comme l'énorme lotissement au sud de 27 hectares. Les images satellitaires de Google Earth témoignent de l'évolution de la zone. La bibliothèque d'images permet en effet de visualiser l'évolution sur la période récente et à différentes saisons avec l'importance de la fluctuation de la végétation. Et de faire un zoom ici entre 2002 et 2015. Toutefois, ces images Google Earth comportent des inconvénients, tels que le décalage non négligeable des dalles d'une période à une autre, les angles de prise de vue et les limites de la résolution des images pour une zone large, qui nous permettrait de les intégrer dans le logiciel ArcGIS. Ce qui nous a conduit à acquérir 5 images satellitaires SPOT dans le cadre du programme ISIS, dont 2 de la zone ouest de la Mariotide de 2004 et de 2011, dont vous voyez des extraits ici. Ces dates sont d'autant plus précieuses qu'elles couvrent des saisons différentes, influant sur la couverture végétale et donc sur la visibilité des sites archéologiques. Les 2 images, couvrant la même zone à 2 périodes récentes et proches, permettent de mettre en valeur les nombreux changements de la dernière décennie qui ont été particulièrement dévastateurs pour l'archéologie et l'environnement. Mais étant donné la résolution, nous continuons à avoir recours également aux images satellitaires de Google Earth. Le deuxième volet concerne la base de données relationnelle de collecte d'informations qui a été créée sous FileMaker Pro. Il y a 4 sources principales d'acquisition des données: les cartes, les prospections anciennes et les cartes actuelles, la bibliographie, environ 220 titres ont déjà été collectés avec la mise en place d'une bibliothèque virtuelle propre à l'équipe, les archives du CE Alex, mais aussi d'archéologues ayant travaillé sur la zone et nous donnant ainsi accès à leurs informations. Les données se classent en 5 grands groupes: les informations générales concernant le site, les données cartographiques, la toponymie, les données archéologiques et enfin les données paléo-environnementales. Nous allons reprendre l'exemple du Côme de la Carrière pour vous présenter rapidement la base. Donc, un portail d'accès nous permet d'atteindre l'inventaire du site et on peut visualiser les informations générales du site. On peut également accéder par des onglets aux différentes tables constituant la base. Nous avons la possibilité de visualiser l'emplacement du site et les routes permettant d'y accéder, et de visualiser la bibliographie. Pour l'aspect cartographique, nous avons la possibilité de visualiser tous les aperçus de cartes sur lesquels a été positionné le site, et une fiche par carte indique toutes les informations concernant la carte, ainsi que les informations qu'elle fournit. La partie archéologique se compose de plusieurs tables qui permettent l'accès aux descriptions générales du site archéologique et aux différentes structures archéologiques visibles, avec un accès aux photographies et aux plans choisis pour illustrer le site. Le mobilier du site est exposé dans une table qui récapitule l'ensemble des objets étudiés, publiés ou vus en prospection et qui possède un commentaire général de ce mobilier. Chaque objet est décrit dans une fiche avec des aperçus, des photos et des dessins. Pour la partie paléo-environnement, on peut accéder aux informations générales du contexte des carottages et aux fiches de données et de documentation de chaque échantillon, carotte, section ou échantillon de surface. À ce jour, 105 sites archéologiques ou de carottage ont été documentés. Très prochainement, les informations issues du géoréférencement des cartes et celles intégrées dans la base de données FileMaker Pro seront réunies sous la forme d'un SIG qui permettra une analyse spatiale et temporelle de toutes les données socio-environnementales. Cet outil est indispensable pour des études futures et pour la gestion du patrimoine de la région d'Alexandrie. 3 niveaux de diffusion sont prévus, un domaine réservé au service des antiquités égyptiennes qui permettra de gérer le patrimoine de la région, un domaine public, un domaine réservé aux membres de Géomar. Il va conduire à la possibilité de requêtes combinées d'ordre à la fois chronologique, fonctionnel et spatial. Après ce travail important de géoréférencement des cartes sous ArcGIS, un autre travail de sélection, de digitalisation et de renseignement des informations cartographiques a été entrepris. Tout d'abord, les images satellitaires SPOT nous permettent d'avoir une cartographie récente de la zone, à défaut de cartes mises à jour. Des éléments sélectionnés sont en cours de digitalisation, tels que la côte marine, les routes principales, les limites du lac Mariout et ses différents types d'occupations, tels que les salines, les bassins de pisciculture, etc. Ensuite, parmi les cartes présentées précédemment, avec l'exemple du Côme de la Carrière, certaines sont sélectionnées pour leur pertinence des données archéologiques couvrant la zone de la Mariotide. L'étude des cartes anciennes et récentes est bien avancée afin d'analyser l'évolution des limites du lac et de relever les indications archéologiques telles que ruines, puits, cômes, donc les cômes étant des monticules artificiels, et les carmes. Les carmes étant des structures anthropiques rectangulaires de grande dimension, entre 500 mètres et 1 km, qui sont vraisemblablement les restes d'anciens vignobles abandonnés entre le 7e siècle et le 10e siècle après Jésus-Christ. On procède d'abord au géoréférencement et au mosaïquage des cartes, puis à l'interprétation qui permet une première sélection des éléments destinés à être digitalisés. La digitalisation de ces cartes permet de porter une attention particulière sur toutes les informations, de différencier les informations suivant leur nature, leur fonction, par la création de couches, et créer un support clair sur lequel peuvent être greffées d'autres couches d'informations. Nous avons ainsi sélectionné les cartes réalisées par les savants de l'expédition d'Égypte entre 1798 et 1801 et la carte de Mahmoud Bel Falaki de 1866. Elles indiquent des centaines de saquiers, des puits ainsi que des ruines. Pour les cartes modernes, les cartes topographiques éditées par le Survey of Egypt de 1914 sont des documents précieux pour l'indication des très nombreux carmes. Nous avons également retenu une autre série de cartes éditées par le Survey of Egypt des années 1940 à l'échelle 1/25 millième. Au fur et à mesure de la prospection sur le terrain, les sites inventoriés sont positionnés sur cette superposition de cartes. Ils sont représentés ici par un point, il s'agit de sites archéologiques et des sites de carottage. Les sites sont géoréférencés grâce au GPS. Étape suivante, on procède au report des données cartographiques sur le fond de plan satellitaire. Ici, les données de l'Atlas Lower Egypt de 1914, avec les carmes, les cômes, les ruines et les cavités, mais aussi les puits et les santons, qui fait ressortir les éléments sélectionnés et les positionne sur un fond de plan récent. Ici, l'image satellitaire SPOT de 2011. On fait de même pour la série 1/25 millième du Survey of Egypt des années 1940. Des données attributaires sont associées aux éléments digitalisés, comme les toponymes ou les mentions portées sur les cartes. Des études spatiales pourront être menées, comme par exemple visualiser les carmes associées à des puits. À terme, l'objectif est, par ces allers-retours entre les données cartographiques, les images satellitaires et le terrain et les données archéologiques, de dégager un lien entre le terrain et la cartographie, de cibler des contrôles sur le terrain, d'adopter une démarche prospective à partir de reconnaissances d'éléments graphiques qui ont été corrélés par des vestiges archéologiques, et de définir des zones comme prioritaires pour les prochaines prospections pédestres. Voici un exemple du site prospecté à Bouyounis, au bord du lac, et pour lesquels les cartes, ici l'Atlas Lower Egypt, fait apparaître des structures rectilignes qui peuvent s'apparenter à un ancien carme. Un autre exemple, le site de Tabet Soweha, tel que l'on l'a délimité sur le terrain, donc en vert, tel que l'on l'a vu ici. L'examen des structures sur le terrain révèle un grand établissement d'époque romaine tardive, comprenant une partie balnéaire au sud et une partie domestique au nord, qui s'est installé sur un dépotoir d'amphores de l'époque du Haut Empire. Il apparaît sur la carte de Mahmoud Bel Falaki, 20 fois plus étendue, c'est la limite que vous voyez en rose, et légèrement décalé vers l'est et 2 fois plus étendue sur l'Atlas Lower Egypt, ici représenté en rouge. Le site fouillé récemment, en 2013 et 2014, par le service des antiquités égyptiennes, à Gdima, sur la route du Caire, révèle un lieu d'artisanat, un pressoir à vin et des structures attenantes. Il coïncide sur la carte de Falaki à une très grande structure de 1 km sur 750 mètres, nommée sur la carte ruine appelée le château. Le site prospecté ne représente aujourd'hui plus que 5% de la surface de la zone représentée sur la carte de Falaki. Après le report des éléments digitalisés sur les cartes anciennes, sur le fond de plan moderne satellitaire, on rencontre 2 cas de figure, disparition des éléments, comme ici les carmes, ou au contraire la persistance des structures dans le tissu rural. Ici, les villages se sont installés sur l'emprise de structures représentées sur les cartes de l'Atlas Lower Egypt. Cette cristallisation dans le parcellaire actuel correspond à des tels, à des collines, sur les îles du lac Mariout. En remontant jusqu'à la carte de la description de l'Égypte, on s'aperçoit que ces limites avaient des formes similaires à certaines îles. Ces éléments mériteraient une visite sur place. Un autre cas qui vient illustrer ces allers-retours entre la cartographie ancienne, la prospection sur le terrain et l'état actuel via l'imagerie satellitaire, ici le cas induit par le site de Kassimeya. Étape numéro 1, par la prospection sur le terrain, une nécropole a été recensée sur la rive 3. Deuxième étape, l'étude de sa représentation sur les cartes anciennes. Cette nécropole apparaît comme une grotte, ici comme sur les cartes des années 1940. Étape 3, on recherche les lieux représentés de manière analogue sur les cartes anciennes. Sur ArcGIS, à partir des éléments digitalisés de la série de cartes du Survey of Egypt des années 1940, on procède à la sélection des grottes et on remarque ces 2 grottes à 2 km environ à l'est. En 4e étape, le report sur l'imagerie satellitaire pour estimer la probabilité d'un site archéologique qui constitue une cible pour une prochaine prospection sur le terrain. En conclusion, nos prochaines démarches sont de fusionner les 2 socles de données. Les données enregistrées dans la base de données FileMaker Pro vont être importées dans ArcGIS avec les données cartographiques après l'établissement d'un modèle conceptuel de données. Cela va nous permettre de passer à l'étape des études spatiales afin de cibler des sites pour les prospections de cette dernière année. Enfin, à la mi-janvier 2016, nous allons entreprendre une campagne de fouilles, de relevés topographiques et photogrammétriques et de la prospection géophysique sur le site de Kom Bahig. Sur ce site de 17 hectares, 2 grandes collines de formation anthropique sont orientées nord-sud et se développent sur 260 mètres de longueur. Des vestiges de structures ou de céramiques sont apparents en surface. Les premières prospections sur le site ont livré un mobilier céramique indiquant une occupation très longue, commençant au moins au 6e siècle avant Jésus-Christ et se poursuivant jusqu'à la fin de l'Antiquité. L'étude de ce site s'inscrit donc dans une problématique encore peu abordée pour la frange occidentale du delta du Nil et qui est celle d'une présence grecque avant la fondation d'Alexandrie. Je vous remercie.